encore. On parle de se marier. Alors, alors. Aujourd'hui, 25 ans de mariage, et 50 balais à derrière. Hier encore, on parlait de se marier. Aujourd'hui, 25 ans de mariage et 50 belles. Belle, veux-tu me marier? Veux-tu me marier? Hier encore, on parle de se marier. Alors, alors. Hier aujourd'hui, 25 ans de mariage et 50 balais à derrière. Hier encore, on parle de se marier. Aujourd'hui, 25 ans de mariage et 50 belles. Veux-tu me marier? Veux-tu te marier? Veux-tu te marier? Hier encore, on parle de se marier. Alors, alors, alors. Hier encore, aujourd'hui, 25 ans de mariage et 50 balais à derrière. Hier encore, on parle de se marier. Aujourd'hui, 25 ans de mariage et 50 belles. Veux-tu me marier?